إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن الزواج من أفضل النعم التي أنعم الله بها على البشر وهو الأمر الفطري الذي جبل عليه الخلق وهو سنة الأنبياء والمرسلين ومن أسباب دوام البشرية واستمرار الحياة قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ويقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولما أراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يتعففوا عن النكاح نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم ولما أراد أحد الصحابة رضوان الله عليهم أن يختصي حتى يقطع شهوته ويتفرغ للعبادة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولو أذن له لاختصينا رواه البخاري ومسلم وحث صلى الله عليه وسلم على الزواج فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وهو حديث صحيح وحث صلى الله عليه وسلم الشباب بشكل خاص على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فهنا يحث الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب الذين يملكون القدرة المالية والجسدية والشهوة الفطرية على الزواج وأدلة الحث على النكاح كثيرة ومع ذلك فإن كثيرا من الشباب والشابات يفرطون بألذ مدعة جسدية خلقها الله ومن ثمارها الأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا ومن ثمارها مفاخرة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة نسل أمته عباد الله على الشباب أن يثق بأن الله عز وجل سيعينه متى أقدم على الزواج يريد به أن يعف نفسه عن المحرمات وعن الزنا وعن النظر إلى الحرام قال الله تعالى فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم, وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف, وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف. رواه النسائي وغيره بسند حسن. وقال العلامة الألباني رحمه الله فالزواج هو سبب للثروة وليس سببا للفقر. ونص الآية ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تفتقروا. ومثله كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى. ولكننا نلحظ عزوفا ظاهرا من بعض الشباب عن الزواج, ولذلك العزوف أسباب, ومنها محاكاة الشباب بعضهم لبعض يعني حيث أصبح بعض الشباب يعرض عن الزواج تقليدا ومحاكاة لزملائه العزاب الأكبر منه سنا, وكأنهم القدوة الصالحة له, وبئس القدوة هم. ومن بعض الأسباب تخلي بعض الشباب والشابات عن المسؤولية حيث أثر اللعب والكسل على الزواج, وهذا من الأمور الملحوظة حيث بدأ بعض الشباب يميل إلى الدعة والراحة وعدم تحمل المسؤولية, وهذا يضر به وبمجتمعه. بل بعضهم مع الأسف الشديد هجر بيت أهله فلا يأتيه إلا قليلا, ثم بعد ذلك يعني يتهرب من تحمل المسؤولية, فعزف عن سنة المرسلين بسبب ذلك. ومن الأسباب تنفير بعض المتزوجين لزملائه العزاب من الزواج حيث لا يذكر لهم إلا سلبيات الزواج, وينصحهم أن لا يقدموا عليه بدعوى أن بقاءهم بدون زواج أفضل لهم, فقد أراحوا أنفسهم من مشاكل الزوجة وأعباء الأبناء, وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على الزواج. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, ولا هدي هؤلاء. وكذلك تخذيل بعض الفتيات المتزوجات لزميلاتهن المقدمات على الزواج حيث لا تذكر لصحيباتها إلا سلبيات الزواج, فلا تحدثهن مثلا عن محاسنه وعن متعة الولد وعن متعة الزوج ونعمة الزوج ونعمة الولد, وإنما تنقل لهن ما يكدر الصفوة, وهذا من مع الأسف الشديد أمر ملحوظ. وقل مثل ذلك عن بعض وسائل الإعلام وبعض البرامج التي تظهر سلبيات الزواج وتخفي إيجابياته الكثيرة. ومن الأسباب وضع بعض الشباب والفتيات شروطا تعجيزية, فمن يرغب بالزواج منه يعني يطلبون منهم شروط مستحيلة, فتجد بعض الرجال يشترط شروطا كأنه الكامل, ومثله بعض الفتيات كأنها الكاملة. فقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شروط الزواج الرجل الصالح بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن فعلى كل شباب كل شاب وفتاة أن يعملوا أو أن يعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا يلتفتوا لمن ينفرهم من الزواج ويخذلهم عن الإقبال عليه فإن أولئك المخذلين يتحدثون عن حياتهم هم ولا نعلم من المخطي من المصيب وغالب هؤلاء المخذلين ينسون أو يتناسون أنهم يعيشون طوال العام أياما سعيدة ولا يقع الخلاف والشقاق إلا أياما قليلة فيجعلونه الأصل ومع أن الخلاف بين الزوجين لا يكاد أن يخلو منه بيت أو مجتمع فمن أعرض عن الزواج خوفا من هذه الخلافات الطبيعية اليسيرة التي لا يخلو منها بيت فذلك دليل على نقص فهمه وقلة فقهه فاتقوا الله يا معشر الشباب في أنفسكم وحصنوا فروجكم حمانا الله وإياكم من زلات الفتن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرفيتر الله craignez الله et sachez que parmi les plus grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et qu'il a donné à l'humanité c'est la grâce du mariage et le bienfait du mariage. Et c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans la nature humaine. Et c'est une chose sur laquelle yani, il a imposé également à tous les messagers, tous les prophètes. C'est une sunnah que tous les messagers d'Allah ont suivi. Et c'est également une des causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que l'humanité continue à se reproduire. Et c'est également une des choses qui fait que la vie peut continuer sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le mariage dans le Coran lorsqu'il dit « Et épousez de ceux qui vous plaisent parmi les femmes, 2, 3 ou 4. » Et il dit également « Et parmi ces signes, » il dit ce qui signifie « Et parmi ces signes, il y a qu'il a créé pour vous et de vous-même des épouses. » pour que vous viviez auprès d'elle en tranquillité. Et il a établi entre vous de l'amour et de l'affection. Et donc cela fait partie de ces signes. Et lorsque certains d'entre les Sahaba ont demandé ou ont pensé que c'était mieux pour eux de s'écarter du mariage dans le but de se consacrer à l'adoration seulement et à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire cela et leur a dit épousez des femmes car celui qui préfère quelque chose d'autre que ma sunna il n'est pas de moi et ceci est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et lorsque certains d'entre les sahaba ont voulu même essayer de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission pour se faire castrer eux-mêmes c'est-à-dire pour éviter d'avoir des désirs et des envies sexuelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Ils voulaient se consacrer à l'adoration seulement et se détacher de la vie et des plaisirs de la vie. Et donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission pour se faire castrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Contrairement à ce qui est fait par exemple dans d'autres religions, chez les moines et chez les prêtres dans certaines religions, les gens ils se font castrer pour éviter justement d'avoir des envies, et ils pensent que de se consacrer à la prière et à l'adoration, c'est quelque chose de bien. Et on sait que dans l'islam, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a orienté et montré la meilleure des voies, qui est la voie des messagers et des prophètes. Et tous les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah se sont mariés et ont eu des enfants. Donc ceci fait partie des exemples à suivre pour nous, puisque les prophètes sont nos modèles et nos exemples à suivre. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé sa umma à se marier en disant « et épouser la femme affectueuse et féconde, car je souhaite qu'au jour de la résurrection, ma umma soit celle qui a le plus de monde, la umma qui soit la plus grande au jour de la résurrection. » Donc ça, c'est une des raisons aussi pour augmenter le nombre de musulmans. Ça, c'est une des sagesses pour le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé en particulier les jeunes à se marier. On sait que les jeunes sont l'avenir de la umma. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô assemblée de jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité physique et économique de se marier, alors qu'il se marie. » Hein? Il a dit « Parce que c'est quelque chose qui va l'aider à baisser son regard de ce qui est haram et à préserver ses parties intimes hein, des tentations et des désirs et de ce qui est haram. » Donc il va être capable de se préserver, de tomber dans le zina, de tomber dans le haram, parce que il aura un moyen halal de satisfaire ses désirs naturels avec son épouse dans les limites du mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné donc beaucoup d'importance à cela. Il a encouragé les jeunes à cela. Et il y a, bien entendu, parmi les bienfaits de ça, il y en a le fait que quelqu'un, lorsqu'il se marie, il fonde une famille, il a des enfants, et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les enfants la parure de la vie d'ici-bas. Hein, ça fait partie des belles choses de cette vie, de pouvoir avoir des enfants, d'avoir une progéniture. Et donc également, une chose importante pour les jeunes à savoir, c'est que ils doivent mettre leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le mariage et la subsistance. Parce que beaucoup de gens, par exemple, ils disent « Moi, je ne veux pas me marier parce que je n'ai pas suffisamment d'argent ou je n'ai pas les moyens de me marier. » Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent de s'avancer dans le mariage à cause de ça. Et yani, ils se mettent yani, dans une situation parfois dangereuse vis-à-vis des désirs et des tentations, puisqu'ils restent pendant des années célibataires et entourés de toutes sortes de tentations autour d'eux qu'ils ont de la difficulté parfois à contrôler. Et à cause de ça, beaucoup de jeunes tombent dans la fornication ou l'adultère. Et ça, c'est grave. C'est parmi les plus graves parmi les péchés. Et certains, parmi les jeunes, ils se prennent une copine, hein, en dehors du mariage. Une femme avec qui, ou une fille avec qui, hein, ils ont des relations en dehors du mariage. Mais ça aussi, c'est parmi les péchés en islam. Il n'y a pas de relation dans l'islam entre un garçon et une fille, ou entre un homme et une femme, excepté dans les limites du mariage, uniquement. Et toute relation en dehors du mariage, entre un homme et une femme, un garçon et une fille, c'est absolument interdit en islam. Même s'ils disent « on va seulement se tenir la main », même s'ils disent « on va seulement marcher ensemble ou se promener », une chose amène à une autre, et le shaitan attise le feu de la tentation jusqu'à ce que l'un d'entre eux cède au péché et c'est ce qui arrive en général. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même interdit à un homme de rester seul en présence d'une femme dans un endroit qui est fermé, isolé, al-khalwa. Rester seul avec une femme dans un endroit fermé, isolé, justement pour éviter que quelqu'un, dans la faiblesse et dans la passion, tombe dans ce genre de crime, ce genre de péché. Donc tout ça c'est pour nous préserver de ce genre de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc encouragé au mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit, et mariez vos jeunes, parmi les pieux de vos serviteurs et de vos servantes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. Et Allah est vaste et omniscient. Donc c'est un signe, les ulama ont expliqué dans ce verset qu'il y a une preuve dans ça, que le mariage enrichit. Et c'est donc pas une cause d'appauvrissement, c'est bien le contraire, c'est une cause d'enrichissement. C'est une cause qui fait par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous enrichit. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que c'est un devoir pour Allah d'aider trois types de personnes. Et parmi ces trois types de personnes, il a mentionné la personne qui désire se marier pour garder sa chasteté. C'est un devoir pour Allah de l'aider. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ne doit pas désespérer du mariage. Mais il doit prendre les moyens nécessaires et il doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le mariage est une cause de richesse. Et je connais un frère, yani subhanallah, il était étudiant à l'université islamique, et pendant des années il était marié avec une seule femme, il a eu avec elle beaucoup d'enfants. Puis même malgré qu'il n'avait pas une grande richesse, il a épousé une deuxième. Et si vous le voyez aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ses grâces. Et donc, c'est pour dire que, alhamdoulillah, n'ayez pas peur du mariage, par peur d'être limité dans votre subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala va se charger de vous et de votre famille. Et il y a beaucoup d'autres bienfaits dans le mariage. Mais parmi les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes s'abstiennent de se marier, c'est parce que parfois ils ont peur des responsabilités. Et ils préfèrent la paresse et le repos, et suivent leurs désirs et leurs passions, ou jouer avec leurs amis, et ils ne réalisent pas l'importance du mariage. Ou bien parfois, des fois, c'est des gens avec qui ils sont amis, qui sont mariés, et qui ne leur parlent que des aspects négatifs du mariage, et de ses mauvais côtés, et des problèmes qui découlent de leur mariage, ou des problèmes qu'ils ont avec leurs épouses. Et donc, en parlant de cette manière, ils découragent les célibataires à se marier. Et ça, c'est pas correct. De même que chez les jeunes filles, la même chose. Certaines femmes, quand elles parlent à des jeunes femmes qui sont célibataires, elles les découragent de se marier en parlant des problèmes, en parlant des aspects négatifs du mariage ou des conflits. Et c'est vrai que parfois il y a des conflits entre un mari et sa femme, ça c'est normal et c'est naturel. Mais il y a quand même aussi des bons côtés et des aspects positifs. Et si on ne fait que parler des aspects négatifs, eh bien ça c'est de l'injustice. Également, il y a parmi les causes pour lesquelles, ou une des causes et les raisons pourquoi certains jeunes ne se marient pas ou n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'ils recherchent des conditions chez la femme qu'ils veulent épouser, ou la femme chez l'homme qu'elle veut épouser, des conditions qui sont irréalistes, ou bien qui sont parfois exagérées ou extrêmes. Et c'est comme s'ils recherchaient la perfection absolue dans la beauté et dans la richesse et dans l'argent et dans tous les autres aspects. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Et en même temps, toi tu exiges ou tu demandes la perfection, alors que toi-même, est-ce que tu es parfait? Donc il faut être réaliste aussi. Il faut être en même temps comprendre que la perfection n'existe pas. Et l'important, il est important de chercher chez la personne qu'on veut épouser la chose la plus importante, qui est la piété, la foi, la religion, le bon comportement. Ça, c'est les qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragées chez les prétendants et chez les gens qui recherchent à se marier. Et il a donné à ça une précédence sur les autres aspects matériels de, des raisons pour lesquelles quelqu'un cherche à se marier. Donc, donnez à cette question une importance et faites des efforts pour rechercher la personne que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et nous a mentionné, il nous a encouragé d'épouser parmi les femmes pieuses et parmi les maris pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes sincère et si vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment la chasteté, Allah subhanahu wa ta'ala va vous encourager. Et si vous avez des familles, hein, vous êtes des pères de famille, eh bien, en tant que père, en tant que wali, vous avez une responsabilité d'essayer de trouver pour votre fille le meilleur prétendant possible. Et n'oubliez pas que dans la recherche d'un mari, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de donner la précédence aux qualités religieuses et au bon comportement de ce prétendant-là, peu importe les autres aspects de la vie matérielle. Hein? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont de l'argent, ils ont des diplômes, ils ont un bon travail, mais ils négligent leur foi et leur pratique religieuse. Et ça, c'est pas une chose qui est bonne pour vous, ni pour votre enfant ou la personne qui veut se marier. Surtout pour l'avenir et pour l'éducation des enfants aussi. Donc, prenez ça en considération. Et aussi, il y en a parfois qui regardent les questions d'origine et les pays et qui refusent un bon prétendant qui est un bon musulman et qui est pieux uniquement à cause de son origine ou à cause de sa classe sociale ou de son statut ou bien à cause de sa couleur de sa peau ou de sa langue. Et ça, c'est pas des choses qui doivent être prises en considération en priorité entre nous, puisque les musulmans sont des frères et que si on veut justement créer des relations entre toutes les différentes origines de musulmans entre nous et vivre comme cette fraternité islamique, on doit ramener l'exemple que suivaient justement les sahaba radiyallahu anhum entre eux, qui ne faisaient aucune distinction hein, les uns avec les autres en ce qui concerne ce genre de sujet et ce genre de questions. Et les gens de l'époque, temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils ont épousé Bilal, qui était un esclave éthiopien, avec une des femmes parmi les nobles de Quraysh. Mais qu'est-ce qui les a mis à ce niveau, ou à cette égalité au plan de l'islam, au point où ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ce genre de mariage? C'est la foi, c'est la piété, et pas d'autres considérations. Donc on doit faire revivre ça aussi parmi nous les musulmans aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.